ça, faut préparer. Voilà, il dévoile notre vie privée, il explique que j'ai oublié mes lunettes. Mais la transparence avec l'auditeur, n'est-ce pas ? De transparence, il en sera question dans cette émission. C'est moi qui vous le dis. Écoutez comment nous avons préparé ceci. Salut les amis. Salut Charlie. Alors aujourd'hui, attention, on va parler politique. Comme tous les jours, là, on a quelqu'un qui a une véritable expertise. Ah oui, ça, c'est pas comme tous les jours. On a Philippe Pascaud. Ah, je connais pas, il a été ministre. Mais non, il a été maire adjoint. Oh waouh, on va recevoir tous les maires adjoints de France. Bah, dis-moi au moins que c'était maire adjoint de Marseille, Paris. Non, d'Evry. Ouais, ah bah voilà, ça envoie du rêve. Mais Evry. Enfin, mais Evry, ça te dit rien. Ah bah la chanson quoi. Evry, Chalala. Mais non, Evry. Le maire, c'était qui? Manuel Valls. Mais oui. Parce qu'il a vu de près la fabrique du pouvoir. Génial, et après il a écrit un livre. Voilà, et puis il balance derrière. Mais ça, je vais le faire aussi dans quelques années. J'écris un livre pour parler des dysfonctionnements de cette émission. Ah non, ouais, c'est pas ça. Bah, c'est comme Philippe Pascaud. Et je vais vous dire, parce que moi j'ai travaillé pendant des années avec le numéro 1 de la radio. Oui, non, quand même, arrête. Si, j'ai vu ses qualités. Ouh, pas tant que ça. Bah, si, c'est du bon boulot. Mais. Écoute, ça me touche. Ça te touche quoi? Bah, que tu reconnaisses que je fais du bon boulot. Ah non, mais c'est pas toi. Mais t'as dit le numéro 1 de la radio. Eh bah, Guillaume Meurice. J'ai travaillé avec lui et je vais vous dire dans le bouquin, je vais balancer les avantages en nature, les détournements de fonds, les pots de vin, tout va y passer. Très bien, allez, on trouve le sujet. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça va particulièrement bosser. Oh, Charlie, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai quand même pas chômé, non? Je veux devenir numéro 1 moi aussi de la radio. Il n'y a qu'à bien se tenir, Guillaume, je vais te dire. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission Qui met la main au cul de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont déposer une main courante, voire baladeuse, jusqu'à 18h. Manuel Valls est en tournée africaine au Mali et au Burkina comme un président. Mais là, il est accueilli en spécialiste de la sécurité, en héros antiterroriste. Bienvenue au pays, mon fils. Monsieur le Président, autant vous dire que nous sommes honorés. Vous êtes qui ? Fleur Pellerin a raté son mandat, mais pas sa sortie. Elle libère sa parole. Alors, Fleur Pellerin, avec le recul, qu'est-ce qu'on peut dire du dynamisme culturel en France aujourd'hui? Je m'en fous comme de l'intérêt. Tu m'entends? Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien. C'est clair. La justice vient de relaxer le rappeur Orelsan, qui était accusé d'incitation à la violence envers les femmes. Si Orelsan est sexiste, que dire de cet autre artiste? Oh putain! Je suis en colère! Je suis allé en boîte hier, j'avais fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage, là! Et là, pas de problème de justice, c'est étonnant. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui est prêt à toutes les consoler, c'est Alex Vizorek. Vous parlez après le lâcher de salope ou c'est sans transition? Allez, autour de la table, à 17h20, il élève la musique tellement haut que parfois dans l'écriture même de ses chroniques, on sent une forme de vertige. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. Je vais vous parler d'une chanteuse que j'adore, qui a ce fameux voile sur sa voix grave. On parlera de la gamme pentatonique aussi, puisqu'elle est malienne, et je suis sûr que Manuel Valls est très sensible au charme de la gamme pentatonique. Mais ma chanteuse à moi s'appelle Rokia Traoré. Ça lui fera une amie noire. Et vous êtes venu avec une petite pièce. Oui. C'est parce que vous avez parlé de voile. Oh. 17h30, on vous a entendu. Pardon, il aime parler, il aime le débat, mais surtout il aime avoir raison. Bref, il est français, monsieur, et il part à la rencontre de ses concitoyens. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charlie, bonjour à tous. Moi je vais vous parler aujourd'hui d'une radio qui s'appelle Radio Imo, une radio sur l'immobilier avec des invités politiques prestigieux. Le seul politique que nous avons reçu, c'est Jean-Christophe Fromentin. Bon, enfin, avec des invités, quoi, essentiellement, voilà. Et à 17h40, elle, c'est le nuage de lait dans le thé. Il en faut un tout petit peu et ça change tout le côté transparent du contenu, comme l'intelligence qu'elle pose dans cette émission. Bonjour Isabelle Sorens. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi, je vais parler. Aujourd'hui, je vais vous parler toujours du journal du non, pour tous ceux qui ne savent pas dire non, mais qui essaient d'apprendre. Oui, tous ceux qui annulent tout aussi. Comme sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami virtuel. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Vous êtes né sous René Coty. Vous dirigez la maison de quartier de Bondoufle, la ville la plus jeune de France en 79, c'est l'année des diamants de Bokassa. Vous devenez adjoint au maire d'Evry, et donc de Manuel Valls, en 2001, quand la station Mir se désintègre dans l'atmosphère. Comme le socialisme. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France en 2004, quand Alain Juppé est condamné dans l'affaire du financement du RPR. Et vous, Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes. C'est un emmerdeur public. Et on aime ça. Philippe Pascaud est avec nous. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Philippe Pascaud, vous publiez Pilleur d'État, bonjour, chez Max Milo. Mmh. Alors, dans votre ouvrage, vous recensez de façon assez précise tout ce qu'on peut appeler les abus légaux des politiciens, c'est-à-dire tous ces avantages. Ce qui est légal mais pas moral. Voilà, exactement. Ce qui est légal mais pas moral. Tout à fait. Alors, il y a bien sûr, outre le cumul des mandats... Ça, c'est rien du tout. Il y a plein de petits avantages, devenir avocat sans faire de longues études, comme ça. Oui, ça, c'est sympa. Voilà. Il y a des retraites. Un élu peut toucher jusqu'à 5 retraites. Oui, ou député qui démissionne a droit à 3 ans dans la question chômage, par exemple. Un an. Ah, j'ai vu 3 ans. Oui, c'est 3 ans. Ça va faire un an. Oui, quand il démissionne, c'est un an. C'est acceptable. Vous êtes politique, pourquoi vous n'êtes pas tué et vous profitez de ça? Parce que d'abord, j'ai jamais eu le doigt sur la couture et que j'aime bien dormir. Et que pour moi, la politique, c'est d'abord servir, pas se servir. Ce que font la plupart des élus en haut de la pyramide, parce que je le précise toujours, en entrée, tous les élus ne sont pas pourris. Donc, seuls ceux qui sont en haut de la pyramide, et plus on se rapproche du haut de la pyramide, plus les gens s'en mettent plein les feuilles. Et plus il y a davantage, sans doute. Il y a plus d'avantage et plus les gens se votent des lois, en plus, pour eux-mêmes s'en mettre plein les poches. Et c'est inadmissible. Est-ce que c'est pas structurel, le fait que les pourris soient en haut? C'est-à-dire qu'est-ce que, pour y arriver en haut, justement, il faut pas avoir ce... Ah ben, pour arriver en haut, faut savoir écraser ses copains. Ouais, c'est ça. Il faut savoir cumuler, il faut savoir avoir plein de petits avantages, il faut surtout être très, très opaque. Dire aux autres d'être très transparent et en même temps ne rien montrer de ce qu'on fait soi. Alors je vais donner un exemple. Dans l'un des chapitres, vous parlez des préfets hors cadre. Oui. C'est-à-dire que ça revient à 6 000 euros par mois. C'est génial, préfet. Et puis une belle pension parce que 4 000 euros par mois. Ouais. Et apparemment, la nomination est assez hors cadre aussi. C'est une nomination qui est faite en conseil des ministres. C'est au bon vouloir du prince ou des princes. Et c'est un truc vachement génial, préfet hors cadre. C'est-à-dire que c'est fait pour les gens qui n'ont pas de travail. Donc le mec qui est nommé préfet hors cadre, il touche son salaire de 6 000 euros. Dès qu'il a un travail, on est sympa, on lui donne plus son salaire, mais on continue de lui verser une petite part de salaire qui correspond à sa cotisation retraite. Ce qui veut dire qu'il y a des mecs qui n'ont jamais été préfet hors cadre, parce que de toute manière, ils ont toujours été élus, ils s'en sont toujours plein les fouilles, et quand ils arrivent à la retraite, ils touchent non seulement leurs 5 retraites d'élus, mais en plus leur retraite de préfet hors cadre. C'est vraiment un truc génial. Alors vous expliquez dans votre ouvrage, un pilleur d'État... On peut se tutoyer, je ne suis pas ministre. Oui, alors nous, généralement on vous voit. C'est excluant. Non, mais je ne t'en veux pas. Quand on est né sous les cotilles, il y a le respect. Ouais, c'est ça, après, j'ai pris une claque dans ma tête. Non, je ne voudrais pas qu'on pense qu'il y a un conflit d'intérêt, voilà. Alors que vous couchez ensemble, on peut le dire. On avait dit qu'on ne le dirait pas. Philippe Pascaud, page 53, vous expliquez, eh bien, au départ, rétribuer les élus partait d'un bon sentiment. Oui. Il s'agissait de permettre au peuple et aux plus modestes de faire de la politique. Oui, résultat, aujourd'hui, il y a 3% d'ouvriers, si j'en suis... Non, 1% à peine. 1%. Ah, mais il y en a deux qui sont morts depuis. Donc, d'accord, depuis la publication de l'ouvrage. Alors, aujourd'hui, les élus sont des gens complètement hors sol. Je prends Manuel. Bonjour Manu, je te salue. Manuel ne sait pas ce que c'est que travailler. Manuel a commencé sa vie, sa carrière en tant que politique. Ces gens-là... Donc c'est quand même un travail, je peux pas vous laisser dire non, ça. Non, faut arrêter. Il se lève tôt le matin. Ça ne doit pas être un travail. Ah, mais c'est une activité. C'est une activité, mais c'est pas pareil. Donc une activité, et c'est des gens qui, comme ils sont hors sol, ne savent pas ce qui se passe au niveau du peuple. Je veux dire, Manuel, il a commencé comme attaché parlementaire, il a commencé, etc. Et puis il a été adjoint, etc. Il n'a jamais bossé. Il ne sait pas ce que c'est que la réalité du terrain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des élus votent des lois sans même savoir pour qui ils les votent et comment ils les votent. Il y a des trucs de fou qui se passent. Il y a des élus qui n'ont jamais acheté un billet de train de leur vie alors qu'ils prennent le train Non. Si vous lisez bien mon livre, vous apercevrez qu'il y a même des ministres et des présidents qui ont donné des billets gratuits une fois qu'ils sont plus ministres, y compris à leurs enfants. Y compris à leurs enfants. Je sens que ce sujet passionne. Et c'est là où ça devient fou, c'est que plus ils gagnent d'argent, moins ces gens-là payent quelque chose. Et ça aussi, c'est un non-sens. Alors, une dernière question, Guillaume Meurice, parce qu'on va parler politique toute l'émission. Pour faire l'avocat du diable, leur argument est de dire si on gagne bien notre vie, c'est pour éviter d'être... Corrompu. Ouais, exactement. Ouais, vous connaissez l'argument. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que plus ils en gagnent, plus ils sont corrompus. D'accord, ok. Guillaume a posé une question de droite, c'est que vraiment, oui, c'est on a ça. Un mec... vraiment et un Philippe Pascaud écrit non sans humour, parce que vous avez beaucoup d'humour. Un élu ne s'enrichit pas, voyons, il améliore son quotidien pour mieux servir le peuple. C'est exactement ça. C'est leur formule. Et moi, je deviens fou avec ces formules-là, parce que trompe le peuple. Il y a quand même un petit problème. Oui, André, je t'écoute. C'est que les jeunes qui sortent aujourd'hui des grandes écoles ne veulent plus faire de la politique parce que ça paye pas assez. C'est pas vrai. Et parce qu'on en prend plein la gueule. Donc on est en train d'avoir une classe politique qui intellectuellement n'est pas brillante du tout. Depuis ces 20 dernières années, ça descend parce que ça fait plus rêver personne. Et il y a de tels dysfonctionnements. Par rapport au privé, il y a des salaires qui sont tellement déglingos. Le moindre patron d'un label de maison de 10 gagnait 10 fois plus que le président de la République. C'est pas normal. C'est quelque chose qui me choquait. Alors, Philippe Pascou. Donc, moi, je trouve que les hommes politiques ne sont pas assez payés. Je comprends que tu sois un copain de. Allez, on laisse répondre Philippe Pascou. Tu as le droit. Tout le monde peut se tromper dans la vie. Tu te trompes complètement. C'est-à-dire. T'as pas les bonnes informations. D'abord, il y a encore plein de gens qui sortent des grandes écoles qui font de la politique. C'est pas vrai. Ça, c'est des rumeurs qu'on balance et des manipulations populaires. C'est vrai. Et ça rapporte bien. Et c'est des gens qui passent et de la politique dans les grandes écoles et dans le privé. Faut pas croire. Alors, il y a quelques-uns, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui préfèrent faire de l'argent. Parce que c'est vrai que quand tu sors de l'ENA, quand tu sors d'HEC, si tu montes une start-up, etc., comme mon propre fils l'a fait, au bout d'un an, tu peux te retrouver millionnaire. Mais ils sont pas tous dans ce cas-là. Il y en a beaucoup qui rentrent dans les cabinets. Tu les vois pas au démarrage. C'est parce que tu les vois pas. Ils servent d'assistants, ils servent de conseillers. Là, j'ai un ami qui, hier, m'a téléphoné en me disant « Philippe, je peux pas t'aider sur ton bouquin. On vient de me prendre comme conseiller dans un ministère. » C'est un mec qui a fait des hautes études. Et comme disait Platon dans La République, vous qui aimez les philosophes, pour qu'un politique montre qu'il est vraiment au service du peuple, il faut qu'il gagne moins en politique que ce qu'il pourrait gagner dans la vie civile. Et ce serait une preuve de bonne foi et de service. Plus, vous qui aimez les philosophes. Il faut que tu saches, André, que c'est vrai qu'un petit conseiller municipal d'une petite ville qui se défonce bénévolement, lui, il va gagner 270 euros. Dès que tu montes dans la hiérarchie, et je le mets dans pilleur d'État, moi, j'ai pas trouvé un seul député. Qui gagne moins de 13 000 euros net en indemnité, argent de poste. Tu rajoutes à ça les avantages et tu rajoutes tout ce que j'ai pas découvert. Moins de 13 000 euros net, argent de poche, après impôt. Eh bien, on les appelle à faire du bon boulot, alors, et tout ça. Philippe Pascou est avec nous. Il publie Pilleur d'État chez Max Milo. On va en parler tout au long de cette émission, notamment juste derrière ceci, de Manuel Valls. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. I feel nice, sugar and spice. So good, I got you. Inter avec Philippe Pasco. Vous publiez Pilleur d'État chez Max Milo, où on précise vraiment le haut de la pyramide que vous visez. Et vous vise les gens qui truandent, et ceux qui truandent sont en haut de la pyramide et pas vous, en bas. Et vous encouragez les élus locaux. Oui. Vous êtes d'ailleurs l'ex-adjoint au maire d'Evry. Et vous êtes toujours... Je suis toujours vivant. Toujours vivant. J'ai passé 9 ans avec Manu. La halle du rock à Evry, on va en parler tout à l'heure. Ah oui, ça c'est un bon truc ça aussi. Et autour de la table, Alex. Eh bien, Guillaume Meurice, André Manoukian et Isabelle Sorante. Allez, place à l'information. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et aujourd'hui, il est vraiment presque 17h17. On commence par les titres. Le gouvernement français a publié une vidéo pour bien réagir en cas d'attentat. Du coup, Daesh hésite à continuer. Hein. Compte en Suisse, des nouveaux noms sur les listes de UBS. Notamment Bicente Lizarazu. Donc après les yeux dans les bleus, Bicente va devoir nous faire son Cahuzac, les yeux dans les yeux. Et il y aura des brèves. Oui, il y en a même 3 pour le prix d'une. Oula. Et on commence par la vidéo créée par le gouvernement sur la façon de réagir en cas d'attentat. D'une durée de 2 minutes 40, elle est découpée en 5 parties et il n'y a que des bons conseils. En cas d'attaque terroriste, avant l'arrivée des forces de l'ordre, voici les comportements qui peuvent vous sauver. La première réaction à avoir est de s'échapper. Ah, pas con, ouais. Pas con, hein, c'est imaginez. Bah oui, s'il y a certaines personnes, ils n'ont pas vu la vidéo, du coup, ils restent dans le Bataclan alors qu'il y a la possibilité de sortir. Ouais, non, bah je reste parce que peut-être que le concert de Eagles of Death Metal va reprendre, donc je reste un petit peu. On ne sait pas, c'est un bon conseil, conseil suivant. Alertez les personnes autour de vous et dissuadez-les de pénétrer dans la zone de danger. Ah, bon conseil aussi, parce que souvent quand on fuit un attentat, on a tendance à pas dire d'où on vient. Mais hey Alex, là, pourquoi tu cours? Ah, je te lis pas, t'as qu'à aller voir, c'est par là-bas. Ok, j'espère que c'est une belle surprise. Et voilà, et une fois que vous êtes sauvés, il y a encore des choses à faire. Attention, écoutez bien. Dès que vous êtes en sécurité, alertez les forces de l'ordre en appelant le 17 ou le 112 et obéissez-leur. Au téléphone, ne paniquez pas. Précisez le lieu exact de l'attaque, le nombre et la description des assaillants, le type d'arme utilisée, le nombre estimé de victimes. Oui, donc restez quand même vigilants. Hein. Comptez bien tous les corps. Un bras seul, ça ne compte pas. Hein. Sortez le calepin pour prendre des infos sur les terroristes aussi. Voilà, allô la police. Voilà, je vous le dis, alors sans paniquer, je ne panique pas du tout. Ils étaient 4 avec des calaches. Et alors, comme demandé hein, sur la vidéo, je les ai interrogés. Il y a Abdelhamid Fouad, Cyprien. Oui, alors je sais pas, Cyprien, il venait du Berry. Enfin, moi, ça m'a surpris aussi, comme vous. Et Salah. Alors, Salah, faites gaffe parce qu'il va essayer de vous échapper. Voilà, de rien, bisous. Voilà, c'est toutes ces petites choses, mais surtout. Face à la menace terroriste, restons toujours vigilants. Restons toujours vigilants. Pour en savoir plus, allez sur encasdattaque.gouv.fr. Et voilà, un petit coup de promo. Un petit coup de promo pour terminer. Soyons honnêtes, il y a aussi des choses intéressantes dans cette vidéo. Oui, ça a dû coûter très cher, donc autant l'écouter. C'est bien fait, c'est décidé. Allez, passons aux nouvelles révélations dans l'enquête sur la banque suisse UBS. Oui, des nouveaux noms de gens ayant possédé des comptes sont sortis. Bicente Lizarazu, 9,2 millions d'euros, maintenant rapatriés en France. Ou encore l'actrice Valeria Bruni-Tedeschi, 1,8 million d'euros, qui sont depuis aussi revenus en France. Dites donc, ça va sentir l'honnêteté au dîner de famille le dimanche. Oui, mais le grand gagnant, c'est l'ancien entraîneur de football Giroud. Considéré comme un fraudeur actif, car il a intentionnellement caché plus de 3 millions d'euros sur un compte UBS. Voilà, on vous rappelle ce que Giroud disait... Je sais encore, André baisse la tête. On n'a pas, il n'y a pas de nom. On a cherché, pas vous. Hein on rappelle ce que Giroud disait hier au sujet d'Aurier, qui a juste traité son entraîneur de fiotte. Là, j'ai envie de pleurer, vous comprenez. Après, je suis révolté. Mais je vous dis, les sanctions, ce devraient être des vraies sanctions pénales. Il devrait aller en prison. Voilà, mais donc, que pense Giroud de son cas personnel? Du coup. Là, j'ai envie de pleurer. Après, je suis révolté. Mais je vous dis, les sanctions, ce devrait être des vraies sanctions pénales. Mais je devrais aller en prison. Ah, voilà. Quand même, le gars est cohérent. Football toujours. Oui, Samuel Eto'o fait interdire le livre de son ancienne maîtresse, Revenge Porn, où elle fait des révélations sur l'intimité d'Eto'o. Ah, c'est quoi le principe? C'est une sorte d'équivalent de sex tape de Valbuena, mais en livre. Ah, voilà. Ouais. Donc il y a peu de risque que ça fuite dans le milieu du foot, quoi. C'est pas fou. Fait divers. Paris, accusé de torture, il plaît plaide la séance SM. Ah, bien joué ça de la part de Cyril Hanouna. Non, Alex, alors, il s'agit d'une autre affaire. C'est une autre affaire. Oui, voilà. Et les brèves. Alors, oui, Belgique, 3 mois de prison avec sursis pour avoir traité des policiers de schtroumpf. Ah, ça rigole pas. Hein, alors, ça rigole pas. Et il aurait pris le double s'il avait traité un schtroumpf de policier. Et la dernière. Ah, terrible nouvelle dans l'Ouest. Dans West France, on peut lire quand Xavier, un fan de Johnny, n'a pas pu, à cause des agriculteurs, aller à son concert hier à Rennes pour la 93e fois. Ah, il était dans les bouchons. Ah, bah ouais, mais quand on va voir Johnny 92 fois des bouchons, on en a pas mal quand même. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie de Philippe Pascaud qui dirige la Halle du Rock à Évry. Allez, vous nous accompagnez jusqu'à vous. Non, j'ai pas de Johnny, j'ai eu des gens bien. Mais On va en parler à la fin de cette émission justement de musique. Mais on va aborder le premier sujet avec vous, c'est Manuel Valls qui part en tournée africaine au Mali et au Burkina Faso pour 3 jours. Ce qui lui donnera pendant ce temps un profil présidentiel. Mais oui, surtout, et puis un peu d'argent dans sa caisse. Ah bon? Bah, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi qui ai un petit peu de bouteille au niveau politique, tous les présidentiables font des tournées dans certains pays avant les... Ah, vous voulez dire qu'il va rentrer avec des valises de billets? Bah, je sais qu'une campagne présidentielle, ça coûte 20 millions d'euros en moyenne, ouais. Et qu'il faut bien les trouver quelque part. D'accord. Bon, on vous laisse la responsabilité. Hein. Vous avez un petit point rouge sur le front. Là. Oui, mais je sais, je sais. Mais ça s'appelle un petit peu un procès d'intention. Bah, avant, surtout, souvent, attendez. Il passait par le Gabon. Mais ouais. Maintenant, bon, ils ont fait des détours. Ah, écoutez, on note. En tout cas, on enregistre ce que vous venez de dire parce que ça pourra servir. Surtout, il part surtout en Afrique, moi. Emmanuel Valls, pour nous protéger. Non, c'est vraiment pour nous protéger de la menace terroriste. C'est pour ça qu'il est parti. C'est le monsieur ordre et sécurité que les Africains vont découvrir. Tremble, Acme, car voilà. Manu l'Africain. Moi, monsieur, j'ai fait la Gaule, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Autant béni des colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef. Autant glorieux de la WEF. J'avais des flics énormes. Autant béni des colonies. Wouh. Allez. Alors, Philippe Pascaud, vous qui avez travaillé quand même 9 ans. Je peux me tutoyer, je suis pas fini. Oui, je sais. Travaillé 9 ans avec Manuel Valls, que vous l'avez bien connu à Évry. Ouais. Donc, on a connu avec lui le virage libéral avec son arrivée à Matignon. Des 49-3, il y en a sans doute un autre qui se prépare. Un virage sécuritaire, je vous le résume, la loi renseignement, l'état d'urgence. Il brandit aussi le spectre de l'attaque chimique du prochain attentat. Bon, est-ce qu'il a toujours été comme ça, Manuel Valls, ou est-ce qu'il a vrillé? Parce qu'il fait un petit peu peur en ce moment. Moi, il me fait de plus en plus peur et je crois que je suis pas le seul à le penser. Comment vous l'avez vu évoluer, vous? Ben, moi, écoute, c'est lui qui est venu me chercher en 2000. Au début, c'était un mec sympa. Il a eu du flair sur ce coup-là. Non, mais je suis bon. J'ai fait quand même pas mal de choses sur la mairie d'Évry quand j'étais maire adjoint. J'ai fait pas mal de choses intéressantes jusqu'à ce qu'au moment où j'étais pas forcément d'accord avec un tas de trucs. Mais au début, il était sympa, quoi. Comme tous ces gens-là qui ont pas encore de pouvoir. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils ont du pouvoir et qu'ils mettent le costume du pouvoir et de machin, ben, ils deviennent infernaux et c'est pas le premier mais que j'ai vu changer. C'est-à-dire qu'il veut sécuriser son ascension au sein du pouvoir en allant dans le sens du parce vent. Parce que plus tu montes dans l'ascenseur, plus tu élimines les gens qui sont avec toi pour rester tout seul. Oui, mais alors là, on est même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a un côté autoritaire. Ah, c'est pas autoritaire là, je dirais, moi je pèse mes mots, je commence par un F, ça se termine par un E. Mais est-ce qu'il y a une ivresse? Est-ce que c'est une forme d'ivresse? Moi j'ai non farfale, seulement il y a une ivresse, mais moi-même je l'ai vécu. Moi-même je l'ai vécu parce que c'est... Même à votre niveau à Évry? Oui, il y a mais un non, petit pas côté... Évry, quand j'étais président de la formation professionnelle d'apprentissage sur l'île de France, du jour au lendemain, le visage et la façon des gens dont je parle change. C'est-à-dire que donc c'est pas de leur faute. Alors, c'est pas seulement si de leur faute. Si vous y aviez été, vous seriez devenu ça. Non, c'est une vraie question. C'est pas parce qu'on fait ça que t'es obligé de tomber dans le piège. Et donc, mais pourquoi on se fait qu'il n'y en a aucun qui s'en est sorti? Si, il y en a quelques-uns qui en sortent. Mais c'est vrai que c'est difficile. Ça fera tellement plaisir. Quand tout le monde te dit que t'es un type intelligent, que ce que tu racontes c'est bien, que t'as une cour autour de toi de courtisans comme Manuel a, maintenant il voit plus le peuple. Il a des gens qui sont autour de lui et qui lui font barrage, qui arrêtent pas de lui dire que c'est un mec bien. Dès que il écrit une ligne, tout le monde trouve ça génial et dit, bah, je l'écris pour tes mémoires. À un moment donné, tu finis par y croire. Et ces gens-là, ils croient comme dans le milieu du showbiz. Je vais vous donner un petit truc, parce que j'ai aussi fréquenté un peu le milieu du showbiz. Ouais, bah Manoukian, il est pareil. Oui, oui. Le problème dans le showbiz, et j'en ai rencontré quelques-uns, quand une femme ne couche pas, vous savez comment on l'appelle? Ah, Manoukian, il doit savoir, du coup. On l'appelle une salope. Ah, attends, tu couches pas avec moi, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Tu refuses de coucher avec moi? Casse-toi, salope. Et on dire que les notions à un certain niveau, et je le mets dans le livre, de ces gens-là sont complètement inversées. Ça devient des génies, ça devient, et ils ont plus les pieds sur terre. Bon, moi, je dis aujourd'hui pour les politiques, quasiment tous les politiques d'un haut niveau sont des gens hors sol. ils ne touchent plus les pieds sur terre, malgré la grosse tête qu'ils ont et malgré les grosses chaussures qu'ils portent. Alors, avec des chiffres et des faits, je vous renvoie au livre de Philippe Pascaux, bien sûr, Pilleur d'État, chez Max Milo. Je vous conseille, hein, je connais l'auteur. Allez, un peu de musique avec André Manoukian, il paraît que ça adoucit les mœurs. Mais oui, allez. Alors, parmi les milliards de sons émis par la nature, depuis l'auditorium grandiose de la musique des planètes, de la musique des sphères, jusqu'au dance floor subatomique où l'électron fait sa danse du ventre autour du noyau, dans cette profusion acoustique, dans ce maelstrom sonore, les hommes ont sélectionné 5 notes pour communiquer entre eux, 5 petites notes qui défient la malédiction de Babel. Je vous rappelle qu'après le déluge, les héritiers de Noé, se sentant sans doute hyper puissants, un peu comme des hommes politiques, voulurent construire une tour pour monter jusqu'à Dieu. Pour les punir de leur orgueil, celui-ci les dispersa aux quatre coins de la terre en leur attribuant des langues différentes afin qu'ils ne puissent plus se comprendre. Eh ben Dieu s'est bien fait avoir sur ce coup-là. Il n'avait pas prévu que les hommes utiliseraient un code pour communiquer entre eux. Une gamme que l'on retrouve chez tous les peuples de la terre, la gamme pentatonique. Il était quand même pas très malin, ce Dieu. La gamme à 5 notes. Elle existe en Asie, elle existe en Océanie, elle existe en Inde, en Turquie, dans les pays arabes, en Afrique noire, chez les Amérindiens, chez les Celtes, dans le chant grégorien, dans l'antiquité juive, grecque, babylonienne, égyptienne. C'est la gamme que choisit Truffaut dans Rencontre du troisième type pour communiquer avec les extraterrestres. Worry. Parce qu'ils se disent que cette gamme reliant tous les peuples de la planète doit pouvoir se faire comprendre par les autres. C'est notre gamme naturelle. Exactement, c'est notre gamme naturelle sans les deux notes sensibles. Si on prend la gamme de Do majeur, j'enlève le Fa et le Si et ça me donne ça. Alors, c'est-à-dire que les deux notes sensibles, en fait, elles expriment quoi? Elles expriment une instabilité. C'est les notes qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller se coucher sur les notes qui sont à côté parce qu'elles sont qu'à un demi-ton des deux notes, on est d'accord? Et ces deux notes sensibles, une fois qu'elles sont expulsées, on se retrouve finalement avec une gamme qui exprime quelque chose sans affect, quelque chose d'assez universel au fond. Et qu'on va utiliser avec la répétition. Ah non, pardon, c'est mon téléphone. C'est une gamme qui est pudique. C'est une gamme qui transcende finalement les petits sentiments humains. Et ça, c'est la gamme que va utiliser Roca Traoré parce que c'est celle du Mali, c'est celle de sa culture africaine. Pour ce qui est de sa voix à Roca, nous sommes dans une autre affaire. Sa voix est grave et voilée. Aïe, aïe, aïe. Le voile sur la voix, moi, ça me rend complètement déglingo. Ça n'est pas un voile qui masque la beauté du monde, c'est un voile qui la rend encore plus belle. Par exemple, le petit rhume que j'ai là en ce moment, ça mais vous... c'est trop... Arrêtez, Charline, je vais pas y arriver. Soudain, mon cerveau n'est plus irrigué. C'est un voile qui fait sortir les harmoniques. Regardez, ça, c'est un son fondamental. Eh bien, dans ce son-là, la première harmonique, elle est ici. Et puis voilà la seconde, et puis voilà la troisième, et puis voilà la quatrième. Ça, c'est normalement toutes les harmoniques qui sont dans un son. Quand tout d'un coup, vous mettez un voile sur une voix, c'est un petit peu comme un guitariste. Quand il effleure la corde sur la touche, et au lieu d'appuyer bien fort, il l'effleure, il va provoquer une harmonique bien plus haute que la note qu'il obtiendrait en appuyant fermement. Il faut du toucher pour déclencher des harmoniques. C'est l'art délicat de l'effleurage. C'est le stade suprême de la nuance chez le pianiste qui enfonce la touche aux trois quarts, provoquant l'échappement du marteau qui va attaquer la corde avec un son bien plus doux que s'il allait au fond. Et quand enfin, après un saupoudrage, il va au fond, là c'est l'orgasme. C'était pas sexuel. Hein. C'est avec ça que joue. C'est avec ça que joue Roca. Ce chaud froid, ce sucré salé, ce grave aigu. Les femmes de la Méditerranée ont souvent ce voile sur leur voix grave. Les chanteuses grecques, les chanteuses siciliennes, portugaises, africaines. C'est peut-être le signe des sociétés matriarcales, les sociétés dans lesquelles les femmes font la loi au foyer. C'est-à-dire qu'elles sont les vraies patronnes. Elles jouent de la voix pour marquer l'autorité sur les enfants et sur le mari. Le voile des cordes vocales, usé d'avoir trop crié, exprime par le chant, l'abandon. Une lassitude, comme pour faire comprendre que c'est maintenant à l'homme de prendre le relais, de prendre les peines de sa belle sur ses épaules. Et d'écouter le disque, temps de la consoler. Il y a de ça dans la voix de Rocca. Et plus encore, elle s'est entourée du guitariste producteur de PJ Harvey, John Parrish, John Paul Jones, le bassiste de Led Zepp, enfin de Devendra Bernhardt. Nesso, le titre de son album en bambara, ça veut dire « chez moi ». Elle chante la détresse de son peuple, de tous les exilés. Elle chante le blues malien dans toute sa splendeur, mais qui par la grâce de sa voix devient le blues du monde. La pinta tonique complètement. Charline, vous l'avez senti, ma pinta tonique? Oui, mais bien sûr, on l'entend. Toutes les femmes étaient baba là. Mais non, mais voilà, ouais, non, c'était clair, André. Hein. Et pour ceux qui ont pris la chanson de Rocca Traoré en route et qui voudraient recomprendre ce que c'est que la gamme pentatonique, je vous invite à réécouter la chronique d'André Manoukian sur franceinter.fr. Si vous avez une petite demi-heure devant vous. On sent ce côté universel et orientalisant. C'est mieux que l'émission qui s'appelle Le Divan. Hein. Régoutez, je vous le conseille. Philippe Pascaud est avec nous. Il publie Pilleur d'État aux éditions Max Milo. Et à côté de vous, il y a un pourfendeur des abus légaux et illégaux. C'est Guillaume Ries, c'est vous? Et ouais, on va parler immobilier aujourd'hui. Et on en profite pour saluer la nouvelle ministre du Logement, Emmanuelle Cos, celle qui se prenait pour Rosa Luxembourg et qui est devenue Dame Pipi, donc au Conseil des ministres. Mais à moins qu'elle ne soit adepte de la fameuse stratégie j'intègre le système pour le changer de l'intérieur et si ça ne fonctionne pas, 30 000 boules par mois, ça payera toujours le crédit de la véranda. Donc pour parler immobilier, je me suis rendu ce matin à un grand colloque sur l'escroquerie en bande organisée. Un colloque sur l'immobilier. Je suis perdu dans le dictionnaire des synonymes. Donc l'immobilier, l'occasion de faire un petit coup de projecteur sur des collègues qui étaient présents sur place. Une radio qui s'appelle Radio Immo. Alors pour Radio Immo, un colloque sur l'immobilier, c'est l'équivalent d'un PSG Chelsea pour Bein Sport ou d'une interview exclusive de Japlou pour la chaîne Equidia. Tous les animateurs vedettes de la station étaient là et il y en a sur Radio Immo des animateurs vedettes. C'est le cofondateur de la station, Olivier Lucas, qui me l'a dit. Alors il y a quelques animateurs vedettes dans le cadre de l'immobilier. On a effectivement. Alors qui sont-ils ou qui sont-elles? Alors on a par exemple Henri Buzicazo. Évidemment. Voilà. Le fameux Henri Buzicazo ou Bernard Roth. Bernard Roth, oui. On est sur un format Music and News. Voilà, format Music and News avec Henri Buzicazo et Bernard Roth. Et j'ai écouté et je peux vous dire que ça envoie du lourd sur Radio Immo. Breaking news et niveau exclu, c'est top. Par exemple, saviez-vous que Jean-Luc Falour de Rochefort a finalement vendu son T2, cuisine équipée sans vis-à-vis, rue des Belles Feuilles. Non, vous ne saviez pas ça? Voilà, vous n'écoutez pas Radio Immo, vous n'êtes pas informé. C'est de l'exclu que vous ne trouverez que là-bas. Mais vous l'avez entendu, il y a aussi de la musique sur la station Music and News. Alors, quelle peut bien être la playlist de Radio Immo? Alors, la musique, c'est un format jazzy, on va dire. On est plutôt proche d'un FIP. Il n'y a pas que, par exemple, c'est une maison bleue adossée à la colline, etc. Non, on n'est pas sur cette thématique-là. Non. Et on essaye surtout de voir beaucoup plus large que l'immobilier au sens strict, puisqu'on parle vraiment d'habitat. Voilà, on n'est pas sûr de l'immobilier au sens strict, puisqu'on parle d'habitat, également de maison, aussi de résidence secondaire, même parfois d'appartement. Vous voyez, c'est très très vaste. Et puis des chansons sur l'habitat, on en connaît, mais je ne vous parlerai pas de Dudule. On n'est pas dans les grosses têtes, on est sur Radio Immo. Ceci dit, est-ce qu'il y a des chroniques humoristiques sur Radio Immo? Alors, humoristiques, pas encore. Quelques-unes sont un peu décalées. On a notamment notre chronique sur l'innovation qui effectivement a des approches un peu décalées sur le ton. Il fait des blagues un peu ou pas alors? Il lui arrive effectivement de faire des blagues. Bon, je vous invite peut-être à écouter. J'ai écouté et c'est vrai que c'est marrant. C'est vrai, il y a des très bonnes blagues, notamment une excellente sur la loi Carrez où il dit qu'en fait il faut calculer la valeur foncière en fonction du mètre carré, mais basé sur l'actif à prévaloir selon la directive européenne de 92. Bon, il faut les codes, c'est sûr, il faut les bases, il faut les références. L'humour immobilier, c'est vachement clivant. Mais c'est mieux d'ailleurs. Moi, je raconte mal, mais quand c'est Olivier qui raconte une blague, écoutez, il en a une bonne sur la loi du flow. Effectivement, on peut faire des blagues sur la loi du flow. Certains réseaux, d'ailleurs, ne se sont pas gênés en remerciant Madame Dufaux publiquement pour l'aide qu'elle avait pu leur donner, justement, pour les aider à se rapprocher avec le site Bien Ici, qui est un portail d'annonces immobilières de la profession. C'est excellent. Non, mais n'hésite pas. Ça y va. Là, je peux vous dire que les agents immobiliers qui nous écoutent se régalent. C'est spécial pour vous, les amis, cadeau. Mais bon, redevenons un petit peu sérieux avec Radio Immo, avec Sylvain Lévy-Valenzi. C'est l'autre cofondateur de cette radio. On est dans la rapidité, on a aboli les frontières, la formation. Vous êtes un no-border, on appelle ça. Je suis un no-border et je suis surtout très intéressé par cette idée d'abolition des frontières. Mais vous êtes un punk à chien, en fait. Notre ami Jean Stone, qui a fait une interview il n'y a pas très longtemps, appelle les nouveaux barbares, les moyens disruptifs qui viennent aux frontières des modèles économiques pour changer un petit peu les choses. Ce qui est formidable, en fait. Ah, donc vous êtes un barbare. De ce point de vue-là, je peux dire que je suis un barbare. Un barbare, le Sylvain, un mec qui milite contre les frontières. C'est une radio de hippies idéalistes, finalement. Ils ont juste remplacé les chemises à fleurs par des costumes trois pièces et des cravates de Tintin. Ils se shootent au plan épargne logement, mais c'est le même esprit, l'esprit de liberté. D'ailleurs, qui finance Radio Immo? Demandons à Olivier. Ce sont des professionnels, des institutionnels de l'immobilier, donc des entreprises de l'immobilier qui vont effectivement dans certaines thématiques, en fonction des chroniques, venir sponsoriser, parrainer donc ces podcasts. Mais vous ne craignez pas pour la liberté d'expression sur l'immobilier? Pas du tout, parce que justement on veut garder cette liberté de ton. Mais si vous les critiquez, ils ne vont plus financer? Écoutez, ils ne seront plus financeurs, mais en tout cas, c'est pas... la ligne éditoriale, effectivement, a vocation quand même un petit peu aussi à secouer certains, un petit peu le milieu. Et quand Henri Buzicazo fait son coup de gueule sur les décrets de la loi Allure, voilà, on n'est pas dans la complaisance. C'est clair qu'ils sont pas dans la complaisance à ce moment-là. On attend donc avec grande impatience la prochaine chronique favorable au plafonnement des loyers, par exemple, à l'application stricte de la loi de perquisition, ou celle sur le droit au logement opposable. D'ailleurs, si tu nous écoutes, Emmanuel Coste, peut-être peux-tu arrêter de penser uniquement à toi et commencer à agir pour ceux qui n'ont plus de toi. Guillaume Meurice, merci. Mais je vous en prie. Là, vous allez faire monter l'audience. Hein, ouais. De Radio Imo, je vous encourage. Ils sont en direct. On salue nos confrères, comme on évidemment, dit. Mais bien évidemment. Sûr. Philippe Pascoe est avec nous. C'est choquant. Ouais. Allez, on aborde avec vous un deuxième sujet. Vous qui avez été élu de terrain à Évry, vous dirigez la Halle du Rock à Évry. Ouais. Vous avez, je rappelle, 1989. Quatre locaux de répétition, un local d'enregistrement. J'ai fait à peu près, j'ai 40 groupes en résidence et j'en dois être à 5000, 6000 groupes qui sont passés dans mes studios. Et on voit la politique aussi de l'intérieur avec vous, avec votre ouvrage Pilleur d'État chez Max Milo. J'en ai fait un autre avant, ça s'appelait Délit d'élus, où je plantais 400 élus avec leur nom, leur adresse et ce qu'ils avaient fait. Et j'ai pas eu un seul procès. Ah ben, bah, écoutez, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, moi j'avais prévu, j'avais prévu deux procès dans mon plan média. Il n'y en a pas un qui a été ça fait des économies. Allez, on parle du deuxième sujet. Fleur Pellerin qui délie sa langue dans l'Obs aujourd'hui. Et elle déclare « Je n'ai pas assez flatté l'entourage de François Hollande ». C'est con, Fleur Pellerin est passée à côté d'une vocation. Mais écoutez, c'est pas grave, elle va rebondir parce qu'elle a plus d'un tour dans son sac. Fleur, elle a des talents cachés. Eh, tu sais que j'ai fait majorette pendant 2 ans, moi ? Non. Mais si t'as fait majorette, tu peux tout faire. C'est la meilleure école, majorette. Ah bon ? Tu sais que la plupart des gens de la télévision ont commencé majorette. Oh, je savais pas. Ouais. Surtout que j'étais très très douée, moi. Je lançais le bâton à 3-4 mètres de haut. Toi, j'aurais insisté. Mais tu l'aurais lancé à 5-6 mètres. Eh ben, peut-être. Ça, j'avais pas pensé, mais peut-être. Nuit d'ivresse. Donc, Fleur Pellerin, elle explique aujourd'hui dans l'Obs qu'elle a pas assez flatté l'entourage de Hollande, qu'elle s'est fait virer très très sèchement, hein, en 4 minutes, après être restée 4 ans au gouvernement. Mmh. L'éviction est assez brutale. Elle dit « je n'ai pas assez flatté », et puis finalement, elle réussit un peu mieux sa sortie que son mandat. Est-ce que finalement, comme elle a raté sa com', elle a raté son mandat, un peu ? Non, on peut pas dire ça, parce que je pense qu'elle a quand même travaillé. Mais c'est vrai que être élu aujourd'hui à un certain niveau, c'est plus de la représentation et de la flatterie. Moi, je l'ai vécu avec Manuel Valls quand j'étais maire adjoint. Uh-huh. Il y avait même une à ce hantise. Niveau-là. Oui, ouais. Il y avait une hantise, c'était le discours de Valls au vœu chaque année. Et donc, tout le monde scrutait si Manuel allait citer son nom ou pas. Ah. Et c'était la grande angoisse au milieu de tous les adjoints et tous les élus, etc. Et si Manuel citait ton nom avant ou après quelqu'un, il y a des gens qui en faisaient des dépressions nerveuses. Mais est-ce que c'est pas pareil, pardon, dans les grandes entreprises, ça, pour les vœux de fin d'année ? Enfin, moi, j'ai entendu des histoires exactement similaires. Oui, parce qu'en fin de compte, la nature humaine souvent se ressemble et qu'en fin de compte, c'est un système et une façon de penser qui se met en place à partir du moment où tu montes dans le genre. Mais c'est quand même fou, quoi. Moi, j'ai vu des gens. Oui, mais c'est pas qu'en politique. Non, c'est pas qu'en politique. J'ai vu des gens pleurer parce qu'on les citait pas pendant les vœux du maire. Mmh. Et Manuel, qui est un très bon communicant et un type très vicelard à ce niveau-là, faisait exprès de ne pas mettre... Vous avez des exemples ? J'en ai quelques-uns. je les réserve pour mon troisième livre. Non, on en veut bien là tout de suite. Des scoops, je peux vous en donner un. Tiens, je peux vous donner un super scoop. Tiens, allez, gratuit parce que vous êtes une équipe sympathique et que les auditeurs. Bah, j'espère bien que c'est gratuit. Non, c'est la meilleure. Vous êtes au courant. Il a trop fréquenté les politiques. Vous êtes au courant qu'en mars 2017, il va donc y avoir la mise en place de la loi qui est sur le non-cumul des mandats. On est d'accord. Oui, personne ne s'est rendu compte qu'en fin de compte, il y allait y avoir plus d'élus et qu'on va dépenser plus de pognon. Je vous explique. Ah si, on s'en est rendu compte. Expliquez. C'est simple à comprendre. Donc les élus qui ont quelques mandats, pardon, les mandats pas intéressants, ils vont se débarrasser du petit mandat qui les intéresse pas. D'accord ? Celui qu'on pourrait appeler leur petit casse-croûte ou leurs petites indemnités, etc. Donc on va être obligé de réélire des élus pour ces petits mandats. On est d'accord ? Mais l'élu qui va être réélu sur ce petit mandat, il va pas pouvoir se contenter de la petite indemnité. Puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, pour ne pas être corrompu, il faut qu'ils gagnent assez d'argent. Donc on va vous resservir la soupe. Mmh. Et donc ces gens-là, on va les augmenter. Donc on va se retrouver avec plus d'élus et dépenser plus d'indemnités. Et l'élu qui, lui, aura perdu son train de vie, puisqu'il aura donné une partie de son mandat, lui aussi, il va se plaindre. Et il va demander à ce que quelque part, on lui donne d'autres avantages, etc., pour qu'il continue à avoir son train de vie. Donc en fin de compte, cette loi qui, au démarrage, devrait être une bonne loi, va faire que nous étions déjà les champions du monde, du nombre d'élus au monde, c'est-à-dire plus de 618 000 élus, on va passer à 700 000 ou à 750 000. Oh, d'accord, ça fait de l'emploi, dites-nous. Et en plus, on va encore donner plus d'indemnités. Donc c'est un truc de fou qu'on va arriver à complètement l'inverse de ce qu'on voulait faire. Là, vous voulez le beurre et l'argent du beurre, c'est... Non, mais c'est un truc de fou. Voilà, Philippe, mais qu'est-ce qu'il faut faire, Philippe? Une dictature. Mais merci André, je rebondis. un des trucs, moi, parce que critiquer, c'est bien, mais proposer, c'est aussi bien. Voilà. Donc je veux dire, un truc vachement simple, et je le dis depuis 13 ans, je le crie dans tous les endroits où je vais, dans tous les médias où on veut bien m'inviter, et pas les médias nationaux, comme par hasard. Ah, il y en a où vous êtes tricard. Ouais, il y en a où je suis tricard. Il y a même une grande émission où je devais passer, et on m'a téléphoné 3 ou 4 jours en disant, Philippe, je suis emmerdé, on peut pas te prendre, parce que j'ai reçu un petit coup de téléphone. Ouais, quelle émission? Non. parce que si jamais il me réinvite. Ah oui, d'accord. Vous êtes au top. C'est une émission importante le samedi soir. ah oui, d'accord. Donc, je vais vous dire, Patrick Sébastien. En France, il y a 396 métiers où il faut présenter un casier judiciaire vierge pour pouvoir travailler. Demain, si je veux devenir fonctionnaire, si je veux devenir pompier, si je veux devenir taxi, si je veux devenir ambulancier, si je veux m'occuper d'enfants, je dois présenter un casier judiciaire vierge. Eh bien, pour être élu ou réélu, on n'a pas besoin de présenter un casier judiciaire vierge. Ça, c'est inadmissible. C'est trop simple chose à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'une loi, juste une réglementation, ou juste une déclaration de principe réel de tous les gens qui se présentent. Je pose mon casier judiciaire vierge sur la table avant d'être élu. Vous voyez, c'est un truc vachement simple. Et j'en ai dans ma valise plein, comme ça. Oh là là, bah écoutez, on fera une spéciale avec vous, alors. On est en train de la faire. Isabelle Sorrent. Oui, alors aujourd'hui, on va parler de la violence du non. Ce matin, j'ai croisé une passante qui hurlait au téléphone. « Non, je ne viendrai pas te chercher à l'aéroport, je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol. » Alors, que signifie la soudaineté, voire la grossièreté d'un non? Alors, c'est vrai que lorsque les limites sont franchies en cas de grosse fatigue, et c'est un peu notre cas à tous en cette fin d'hiver, les noms se mettent à ressembler à ces coups de frein brutaux que donnent les conducteurs débutants. Vous savez, on s'engage à toute allure dans la mauvaise direction, on ne veut pas se l'avouer tout de suite, et puis on se rend compte qu'on s'est trompé de route, on fonce vers le oui à toute allure, freinage sec, non, et demi-tour, non, non, non, non, non. Et avec le non brutal, sur la route, on risque l'accident et dans la vie, l'engueulade. Alors, le non brutal, ça vous pend au nez si vous êtes habitué à dire oui pour pacifier l'atmosphère. Oui, pas de problème, je viens te chercher à l'aéroport, dans le cas de ma passante, ou dans ma tragicomédie personnelle, on va dire. Oui, pas de problème, je te l'écris en une nuit, ce papier de 15 000 signes. Pas de problème, je relis ton manuscrit ce week-end, j'en parle à mon éditeur lundi. Et puis, tout d'un coup, on se demande pourquoi on a les yeux cernés et pourquoi on est si irritable. Alors, ce ne sont pas les oui isolés, mais l'accumulation de tous ces petits oui qui finissent par être au-dessus de nos forces. Et voilà que l'accumulation de ces petits oui, qui ne sont pas méchants en eux-mêmes, personne ne nous veut de mal, mais ces petits oui accumulés agissent comme l'accumulation de poussière qui vous donne une allergie. On éternue très fort et on se met à hurler « Ah non ! Maintenant, ça suffit !» Et ça n'est pas toujours agréable pour celui sur qui ça tombe. En général, toujours quelqu'un qu'on aime, parce qu'avec ceux qu'on aime, on ose, et ce sont eux qui se payent votre allergie au oui. Alors, ne vous inquiétez pas, nous sommes tous égaux devant la difficulté du non parfait. Conduire par à-coups, comme un chauffard, ne doit pas vous empêcher de dire non. Il faut juste prévenir votre interlocuteur que vous vous entraînez sur lui à poser vos limites, et puis vous verrez qu'à son tour, il s'entraînera sur vous. Ce qui vous permettra de voir que vous aussi vous extorquez parfois des oui qu'on ne voulait pas vous donner. Après tout, le but de la vie n'est pas d'être parfait, c'est de mieux se connaître. Et puis, il y a le cas du non qui explose tout d'un coup, parce qu'il s'oppose à l'autorité. Ce nom-là, on sait depuis les expériences de Stanley Milgram que nous avons tous du mal à le prononcer. Imaginez que tout le monde autour de vous dise oui à quelque chose qu'au fond, vous désapprouvez. Ça peut être du harcèlement sur votre lieu de travail. Tout le monde se fout de la gueule de quelqu'un. Vous ne criez pas avec les loups, mais vous n'osez pas non plus vous mettre tout le monde à dos. Autre cas de figure, imaginez que vous travaillez dans une banque suisse. Vous êtes chargé d'affaires, on dit CA, on vous envoie jouer au golf avec des héritiers pour leur proposer des services et du conseil fiscal. On vous conseille de ne rien garder sur le disque dur de votre ordinateur. Dans votre banque, il y a des noms de code, comme vache et carnet du lait pour la comptabilité. Vous êtes très bien payé. Vous êtes en haut de la pyramide, sans doute. Vous travaillez pour une banque qui s'appelle UBS. Eh bien, c'est grâce à des lanceurs d'alerte qui travaillaient à UBS France que la procédure judiciaire a pu démarrer contre le numéro 1 mondial des gestionnaires de fortune, qui est en train de devenir le numéro 1 de la fraude fiscale. Les lanceurs d'alerte, ce sont des gens qui disent non, parfois au risque de leur vie, quand ils sont payés, très bien payés, pour dire oui. Alors, je crois que nous pouvons décerner aux lanceurs d'alerte d'UBS, pour un nom de plusieurs dizaines de milliards d'euros, le prix du grand nom de la semaine. Oui, trop bonne idée. Merci Isabelle Sorrente. Et voilà la raison pour laquelle il faut protéger les lanceurs d'alerte. Mais apparemment... Ce qui n'est pas le cas en France. Pas encore, mais Michel Sapin y travaille. Ce sera, non, la, loi Sapin, ça sera la loi Sapin 2. Michel Sapin fait semblant d'y travailler. Mais non, mais comment vous savez j'affirme ça? J'affirme, parce que j'affirme. C'est déjà quelque chose des lanceurs d'alerte. C'est un truc qui aurait été fait depuis 20 ans que le décret n'était pas paru. Et il y a ce qu'on fait d'un côté, et ce qu'on ne fait pas de l'autre. Et si c'est un projet de loi et qu'il est voté... Aujourd'hui, il y a une loi qui a été votée hier, là, du 17 février à l'Assemblée nationale, qui dit que si un enseignant, un fonctionnaire, etc., a le malheur de dire quelque chose sur son chef de service, il peut être mis à pied 3 jours sans passer devant un conseil de discipline. Vous croyez vraiment que ça, c'est pour favoriser les lanceurs d'alerte? C'est-à-dire que moi, si je commence à dire demain que mon chef de service fait des choses pas bien, met de l'argent dans sa poche, il peut me mettre à pied pendant 3 jours sans passer devant un conseil de discipline. Moi, ma chef, elle m'emmerde des fois au bureau. Ça a été voté hier. Ça a été voté hier à l'Assemblée nationale et c'est passé au Sénat. Et ça, c'est une loi contre les lanceurs d'alerte. On va s'en emparer. Pour terminer, pouvez-vous dire quelque chose de positif? Mais c'est positif. Même ils ont des belles chaussures, je ne sais pas. Être positif, c'est être vigilant. Faire de la politique, c'est quelque chose de bien. Le problème, c'est que le système et un certain nombre de personnes le dénaturent. S'occuper de la vie de la cité, c'est quelque chose de bien. Moi, je suis un type éminemment optimiste, mais je dis que plus on sera transparent, plus on fera reculer les abus. Et ce n'est pas en les cachant, c'est pas en ne disant pas qu'on n'améliorera pas les choses. Et c'est un manifeste donc pour la transparence que vous proposez, Philippe Pascot, pilleur d'État, c'est paru chez Max Milo, et là-dedans, il y a plein d'idées pour des reportages de Guillaume Meurice, donc nous on est tout merci beaucoup Philippe Pascot d'avoir passé ce moment avec nous. Mais oui, évidemment, ça passe vite. Je reviens quand vous voulez. avec grand plaisir. Merci à tous autour de cette table. On va se retrouver demain avec Blanche Gardin, et voici le mot de la fin qu'on offre à Fleur Pellerin, qui n'est plus au gouvernement, mais elle a un vrai avis sur la culture, là. Oui, Sabine n'est pas fanée. Comme de l'an 40, tu m'entends, je m'en fous. Mais alors, je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre.